la maille, le cash, l'argent, contrôle tout ici-bas. Avarice, cupidité, avidité. On veut des chèques avec autant de zéros que sur nos bulletins scolaires. Du berceau à la dernière demeure, tout le monde veut voir sa couleur. Dollar, euro, livre sterling, yen, Dutch mark pour un outstanding. Une place idyllique, un panthéon, en gros la place du king. L'argent fait le pouvoir, le bonheur ici bat tant il sent bon. Quand tu l'as tu te sens bien, Nirvana 7ème ciel c'est si bon. Mais l'argent n'épouse pas l'indigence, et ouais. Il a des exigences, avarice, cupidité, désir ardent de prospérité. Si t'as pas toutes ces facultés, jamais tu ne pourras le palper. La masse elle tessorisée, tes vœux les plus chers exaucés. Tes vœux les plus chers exaucés. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres d'affaires, ce qui donne l'assurance. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres qui ont vraiment trop d'importance. J'aime ces bises lucratifs, les dividendes, les rentes évolutives, l'argent encore et toujours, chaque jour beaucoup plus, il m'en faut, éternel, insatiable la nuit. Je rêve fortune inestimable, désir inassouvi trop souvent par cette attirance pécuniaire. Les gros sous, tout le monde en veut, à profusion sur toute la terre, des malfrats aux politiciens, du boulanger à l'épicier, tout le monde veut croquer de gros gains, la soif d'argent n'a pas de fin, l'amour qu'on lui porte est frénétique, ça sent bien dans le refrain. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres d'affaires, ce qui donne l'assurance. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres qui ont vraiment trop d'importance. La maille est comme une meuf, si on est love, on est accro d'elle. Chaque jour on lui court tous après, tellement on l'aime comme Faudel. Elle nous a tous subjugués, quand on l'a, on ne peut rien se priver. Des jets privés au lieu, difficile de stopper d'être dépensier actionnaire. Je fais travailler mon blé, les chèques, je les signe avec mon blanc. J'aime sentir l'oseille, la fortune colossale à plein nez. L'argent, c'est ce qui me fait planer, je veux des milliards avant de canner, me pavaner aux Caraïbes. Avec un compte en banque bien garni, et quand viendra mon heure, un cercueil certi de Marie Curie. Ouais, ouais. Budgétaire, monétaire, actionnaire, l'argent est une merveille. Millions, milliards, billions, je veux tout, chaque jour beaucoup plus de pognon. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres d'affaires, ce qui donne l'assurance. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres qui ont vraiment trop d'importance. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres d'affaires, ce qui donne l'assurance. Je lâche le front, épouse l'euro, kiffe les dollars, les chèques plein de zéro, la bourse, la finance, les chiffres qui ont vraiment trop d'importance. Dinar, dirham, euro, franc CFA. Dollar, peso, pesetas, yen, shilling, penny, cents, Dutch mark, tout ça quoi, et même plus, toujours plus, voilà ce que je veux dire, avidité, cupidité.